19e chapitre. Le dernier ligueur, suite. En entendant ces mots, la fontenelle qui, un moment, avait été sur le point de reprocher au duc certains faits de guerre, dans lesquels cet allié avait aussi donné des preuves de barbarie, résolut de dissimuler et de tirer parti des bonnes dispositions de Mercœur à son égard. « Quelque événement qu'il arrive, se dit-il à lui-même, je serai toujours à temps de résister si j'y trouve mon avantage, sans aller ici faire part de mes intentions. Dissimulons donc jusqu'au bout, car il serait possible que le roi ne vînt pas en Bretagne. Alors logé comme je le suis dans mon île, je pourrais encore maîtriser la Cornouaille. » Ayant fait ces prudentes réflexions, il reprit tout haut. « Merci, monseigneur, de toutes les bontés que vous daignez avoir pour moi. Croyez bien que je vous en conserverai une éternelle reconnaissance. Oui, maintenant, je le confesse. » J'étais un insensé de ne point écouter vos avis et d'avoir eu la téméraire pensée de résister au roi. Hélas, vous l'avez dit, la Ligue est perdue en Bretagne à jamais, malgré vos efforts et les miens. Nous n'avons plus qu'à courber la tête devant nos ennemis triomphants. Je consens donc à me soumettre et vous prie d'exprimer au Béarnais mes regrets d'avoir été, dans cette province, le dernier des ligueurs à le reconnaître. Soyez tranquille à ce sujet, monsieur de La Fontenelle. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous sauver. D'un autre côté, vous le savez, le roi a plusieurs motifs d'user de clémence avec nous deux. Il a d'abord un vif désir d'unir son fils César avec ma fille. Et puis, il faut le dire, il tremble que vous ne livriez votre fort aux Espagnols. La Fontenelle sourit en entendant la dernière raison alléguée par Mercœur, et il s'applaudit de nouveau de n'avoir pas attiré sur lui sa colère. Un instant aussi, Mercœur, irrité de la résistance de Guéder, avait été sur le point d'éclater et de lui reprocher tous les autres actes d'atrocité qu'il avait commis en lui déclarant qu'il rougissait, lui, Philippe-Emmanuel de Lorraine, beau-frère du roi Henri III, de s'être abaissé au point de mander auprès de sa personne un scélérat tel que celui qu'on nommait partout le brigand de la Cornouaille. Mais il eut la force de se contraindre, car il connaissait la nature perfide et indomptable de son allié, et il n'ignorait pas le danger qu'il y aurait à faire arrêter un homme de cette trempe, surtout quand il était escorté par 300 soldats. D'ailleurs, le duc avait l'âme chevaleresque. Pour lui, la Fontenelle était inviolable, et il ne pouvait oublier que c'était lui-même qui l'avait attiré à Quimperlé. Et puis, il espérait se faire un mérite auprès du roi de sa soumission, en insinuant que ce n'était que grâce à son intercession que Guéder avait cédé. Pendant que le silence régnait dans l'appartement, Saint-Laurent et Tournabon ne pouvaient s'empêcher de jeter à la dérobée leur regard sur la physionomie changeante et trompeuse du personnage étrange qui était près d'eux et dont l'expression du visage, tantôt douce et charmante, devenait quelque temps après sinistre et cruelle. En ce moment, la Fontenelle se leva, et après avoir renouvelé à Mercœur avec beaucoup de courtoisie ses remerciements pour l'intérêt tout paternel qu'il voulait bien lui porter, il s'empressa de lui faire ses adieux. « Comment ? » s'écria le duc. « Vous ne me donnez même pas un jour ? Vous partez aujourd'hui même ? Je suis forcé de ne point demeurer plus longtemps à Quimperlé. Des affaires pressantes m'appellent à l'île Tristan. Adieu, monseigneur » ajouta-t-il en s'inclinant jusqu'à terre. « Je pars tranquille !» car mon sort est entre vos mains. » Quelques minutes après, la Fontenelle, à la tête des siens, galopait vers Douarnenez. À peine ces événements s'étaient-ils écoulés que le 18 février, Henri IV se mettait en route pour la Bretagne, laissant le gouvernement des affaires au prince de Conti. Le bruit de la marche de l'armée royale porta l'effroi dans l'âme des ligueurs. Tous s'empressèrent de faire leur soumission. Henri leur accorda une amnistie entière par un édit qui défendait qu'on dirigeât aucune poursuite contre ses anciens ennemis. Mercœur, qui alors était à Nantes, jugea que le moment était venu d'implorer son pardon. Aussitôt qu'il eut obtenu un passeport pour sa femme, il envoya la duchesse à Angers, où le roi venait d'arriver avec son armée. Elle commença d'abord par demander que le duc, son mari, fût maintenu dans son gouvernement. Mais cette proposition hardie fut repoussée. Alors la duchesse proposa le mariage de sa fille Françoise avec le duc de Vendôme, à la condition que ce jeune prince serait nommé gouverneur de la province à la place de Mercœur. Cette fois, cette union parut trop avantageuse pour être repoussée, et bientôt Mercœur fut contraint de se démettre de son gouvernement de Bretagne, pour lequel il avait exposé inutilement sa vie, celle de ses amis et de ses soldats. Dès que l'édit de pacification fut arrêté, Mercœur lui-même vint à Angers trouver le roi, qui le reçut avec beaucoup de distinction et lui fit l'accueil le plus gracieux. Le duc n'oublia pas la promesse qu'il avait faite à la Fontenelle, et il parvint à le faire comprendre dans le traité qu'il passa avec le Béarnais. Celui-ci, sollicité en même temps par plusieurs amis de la famille Beaumanoir, accorda à la Fontenelle sa grâce, mais il lui déclara que, si dans l'espace de 15 jours il ne rentrait pas dans le devoir, il n'y aurait aucun quartier à espérer pour lui. Le partisan, comprenant le danger de sa position, et voyant qu'il ne lui restait d'autre moyen de sauver sa vie que de reconnaître l'autorité de son roi légitime, se hâta d'envoyer sa soumission par écrit. Ainsi donc, en Bretagne, la Fontenelle fut le dernier à rendre son épée. Le roi ne tarda pas à lui accorder des lettres d'abolition. Il lui écrivit ensuite une seconde lettre dans laquelle il le déchargeait de tous ses méfaits et pardonnait à tous ceux qui l'avaient suivi ou assisté dans ses expéditions. La Bretagne fut alors pacifiée, et à la fin du mois de mars, toute cette province était soumise au roi et la Ligue anéantie. Le contrat de mariage fut dressé entre César, duc de Vendôme, et la fille de Mercœur. Le Béarnais accorda 230 000 écus de dédommagement au duc déchu, avec 17 000 écus de pension, ainsi que la garde de Guingamp, de Lamballe et de plusieurs autres places fortes. Après la célébration des fiançailles, le roi fit son entrée à Nantes avec une pompe et une magnificence toute militaire et alla loger dans le château de cette ville. Là, il conféra définitivement le gouvernement de Bretagne à son fils César et publia le fameux édit de Nantes qui réglait le sort des protestants en France. Accompagné du maréchal de Brissac, il se rendit ensuite à Rennes où il exigea que les États lui remboursassent les frais de cette guerre. Il partit bientôt de cette ville pour Paris, où il arriva charmé du caractère loyal et plein de franchise des Bretons. Quant à Mercœur, désabusé de la chimère de se faire nommer duc de Bretagne, il se retira tout chagrin dans ses terres.